Saint-Père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bible des petits. Je suis pas petit, je suis grand. Bonjour, je suis Laure Adler. Je vais vous raconter l'histoire de Lily, Tina, les clowns et les footballeuses. Elle est en retard. Elle est toujours en retard. Elle en a assez de se faire houspiller à l'école, à la maison et même au sport. Elle ne retrouve jamais l'autre chaussette le matin alors qu'elle doit vite avaler son petit déjeuner. D'ailleurs, elle s'en moque de ne pas avoir la même couleur aux deux pieds. Mais ce n'est pas du goût de ses mères qui lui disent gentiment qu'on va peut-être se moquer d'elle à l'école. « Tant pis !» leur répond-elle. « Je dirais que je suis clown. »« Clown, c'est bien, non ?» Au début du week-end, dans son quartier, sur la place du marché, une tente avait été dressée et un gros monsieur n'arrêtait pas de tirer sur des cordes pour qu'elle ne s'envole pas. Lily avait convaincu ses mères de prendre des tickets et d'inviter Tina à aller avec elle au cirque. À peine arrivée sous la tente, elle avait tiré sur les manches des pulls de ses mamans pour avoir le droit de se mettre tout devant. Et là, sur la piste, le ventre caché par un gros tambour, est apparue une personne. Une personne si belle qu'on ne pouvait dire ni son âge, ni si c'était une fille ou un garçon. Elle était habillée d'une grande combinaison blanche, couleur de lune, et sur sa tête, d'où s'échappaient des cheveux longs, elle portait une casquette avec des étoiles. Aux pieds, elle avait de grosses chaussures, d'énormes chaussures, qui faisaient qu'elle marchait difficilement, lentement, comme si elle allait perdre l'équilibre. Lily a murmuré à l'oreille de Tina: tu te souviens quand mes mamans nous ont montré un film avec le premier homme qui a marché sur la lune? Tu ne trouves pas qu'elle lui ressemble? Non, dit Tina, qui était éblouie. Cette personne est beaucoup plus belle et elle ne porte pas de scaphandre. Et puis, la lumière s'est éteinte. Les étoiles sur la tête du clown se sont allumées. Il a pris dans ses bras un cercle de papier, puis il l'a allumé. Tina a crié. Lily lui a mis la main sur la bouche. Pas peur, faut pas avoir peur, tu vois bien qu'elle est magicienne. Tout d'un coup, c'est la tante elle-même qui était remplie de milliers d'étoiles. Et, au milieu, le clown continuait à tourner, entouré des cercles de papier. Et il riait. Et tout le monde riait. Tina riait, tout en ayant aussi un peu peur. Alors elle pleurait. De grosses larmes coulaient sur son visage, mais elle avait honte. Alors elle se mettait les mains devant les yeux pour les cacher à Lily. Lily, elle, riait aux éclats. Pas peur, j'ai pas peur, disait-elle. Tina, à un moment, voulut enjamber la piste et Lily l'arrêta. T'as pas le droit, t'es pas un clown, toi. Elle l'a tiré par le bras. Les mères de Lily sont venues l'aider. Tina, fais pas ça. Elle l'a supplié de s'arrêter. Mais elle, comme dans un rêve, elle continuait à marcher comme si elle était seule au monde avec le clown. Du reste, elle ne se souvient pas. Juste du sourire du clown, du baiser donné sur la joue et de sa main si douce. Le clown l'a raccompagnée en sifflotant jusqu'à son banc. « Comme tu es mignonne! Toi, tu crois au clown et tu as raison !» Le vent soufflait de plus en plus fort et la nuit tombait. le père de Tina attendait les deux petites filles à l'entrée du cirque. Lily avait négocié longtemps avec ses mamans l'autorisation d'aller dormir chez Tina pour aller le lendemain matin à leur entraînement de foot. Raymonda, la plus cool des deux mamans, n'avait pas trop fait d'histoire, mais Monica avait hésité et avait osé dire devant elle que sa fille, quelquefois, faisait pipi au lit, la honte, et que ce n'était pas forcément une bonne idée. Mais le père avait souri et avait répondu que Tina aussi, quelquefois. On allait s'arranger. Après le dîner, délicieuse coquillette au beurre et mousse au chocolat, la mère de Tina a installé un matelas au bas du lit de sa fille et lui a demandé si elle acceptait de prêter pour la nuit quelques-unes de ses peluches. Tina a longuement réfléchi. « Bon, ok pour le lapin Jim et pour la baleine Bertha, mais sa famille à elle, son nounours Oscar et sa petite chatte Misty Grita, ça, elle veut les garder contre son cœur. » Juste avant de s'endormir, Tina dit à Lily « Tu veux connaître mon secret ? Jure-moi que tu ne le répéteras pas à mes parents. Je te le dis juste à toi. Jure-moi, jure-moi. » Lily a dit « Ok, je jure. » Lily a été un peu déçue, mais elle n'a rien dit. Les cornichons ? Ah bon, les cornichons ? Le secret de Tina, c'était les cornichons. Elle aimait tant cela qu'elle allait en cachette le soir, quand ses parents avaient le dos tourné, manger des cornichons avant d'aller se coucher. D'ailleurs, elle en avait deux dans le lit avant de s'endormir. Un pour chacune. « Berk, berk !» a pensé Lily. Elle a pris le cornichon et l'a caché sous son oreiller. Tôt le matin, la maman de Tina les a réveillés. Il fallait prendre deux bus pour aller au stade et on devait prendre des forces en mangeant bien au petit déjeuner. Lily, elle, n'a jamais faim le matin. Alors, elle s'est forcée à avaler ses céréales pour faire comme Tina. C'est dur, quelquefois, d'être la meilleure amie. Devant le stade, des cars stationnaient. Des équipes de filles étaient déjà en train de s'échauffer, tout en bleu, avec des chaussettes rouges. Tina, elle, s'en fichait un peu du foot. Elle était là pour être avec Lily, une super fan, depuis qu'elle avait vu la Coupe du Monde. Lily, elle, était super inquiète. Elle avait l'impression qu'elle ne serait pas à la hauteur. Elle remontait ses chaussettes sans arrêt et avait peur de les perdre quand elle irait sur le terrain. Lily, c'est une buteuse. Son idole, c'est Eugénie Le Sommaire. C'est elle qui a permis la victoire des Bleus contre l'Islande grâce à un pénalty dans les 5 dernières minutes du match. Eugénie, c'est son modèle. Quand elle sera plus grande, elle voudrait avoir la même coiffure, les cheveux tirés en arrière comme Eugénie et le même numéro de maillot, le 9. Pas choisie par Corinne Diacre pour les derniers matchs, elle a écrit sur Twitter qu'elle continuerait à tout donner à son équipe avant de partir en Amérique. Classe, Eugénie. Lily et Tina, après avoir patienté dans les vestiaires, eurent enfin le droit d'aller s'échauffer dans le stade. Il y avait des dizaines et des dizaines de filles avec leurs entraîneuses qui leur demandaient de former des équipes. Elles étaient trop nombreuses pour engager un match. Tina était rassurée. Lily, elle, était déçue. Alors, pour se consoler, elle s'est mise à penser à la future Ligue des champions et surtout à la prochaine retransmission à la télévision des filles bleues. Elle les appelle comme ça.